Chapitre 27e. Au bal, Marianne oublia bientôt les émotions pénibles qui venaient de l'assaillir. Elle était de celles qui n'ont ne pensé que pour leur présente, et leur présente était pleine de charme. Son deuil, en la tenant écartée du monde, l'avait contrainte à se ménager un peu. Sa fraîcheur merveilleuse, l'éclat que sa récente colère donnait à ses yeux, le goût parfait qui présidait à sa toilette, tout contribuait à donner à sa réapparition dans le monde l'éclat d'une solennité. Aussi fut-elle bientôt entourée d'une foule d'hommes ravis de sa beauté et de sa grâce inimitable. Ses hommages, ses compliments contrastaient d'une manière bien étrange avec le ton sévère de son mari, avec l'insolence déguisée de la Niagna, puisque tout le monde, hormis ces deux êtres qui avaient la prétention de s'ériger en juge pour la condamner, tout le monde la trouvait charmante. N'était-ce pas tout le monde qui avait raison? Elle s'abandonna à cette pensée consolante et plus que jamais charma ceux qui l'entouraient. Un jeune marquis italien, surtout, qui lui fut présenté ce soir-là, se déclara dès lors son chevalier servant et lui jura en lui-même serment de fidélité. Au milieu de tant de bruit et de satisfaction vaniteuse, Marianne repensait de temps en temps à la nurserie. Les éclats de cette toux étrange qui avait frappé son oreille sur le seuil lui revenaient parfois à la mémoire. Vers 1 heure du matin, elle éprouva tout à coup une lassitude profonde, un dégoût de ce qui l'entourait, et fit demander sa voiture. « Pourquoi te retires-tu de si bonne heure ?» lui demanda son père, surpris de sa modération. « Elle est toujours gourmande de plaisir. »« Serge est malade, » répondit-elle brièvement. Son père la regarda avec étonnement. « Tu ne m'en avais rien dit ? » fit-il d'un ton de reproche. La portière de la voiture se referma sur eux. Marianne se précipita dans les bras de son père et fondit en larmes. « Je suis une misérable femme, » dit-elle avec véhémence. « Une mauvaise mère, une... » « Mon enfant est très malade. Je quitte à peine le deuil de ma mère, et je n'ai pu résister à l'envie de voir le monde. Je ne mérite pas de vivre. » Son père s'efforça de la calmer et de lui prouver qu'elle était moins coupable qu'elle ne le croyait. Au fond, il ne pouvait supposer que l'enfant fût très malade, car Marianne, à coup sûr, ne l'eût pas quitté s'il eût été sous le poids d'un danger réel. Comme ils arrivaient à la maison de Dournoff, Smerov voulut monter pour avoir des nouvelles de l'enfant. Sur le seuil de la nurserie, la toux déchirante, semblable à un aboiement, frappa leurs oreilles. Smerov s'arrêta, frappé de terreur et aussi d'un douloureux souvenir. Il connaissait bien la terrible maladie qui, jadis, lui avait enlevé deux enfants. « Le gros !» murmura-t-il à voix basse. Marianne se précipita dans la nurserie, laissant la porte ouverte. Sa robe s'accrocha à une chaise et la renversa sur le parquet avec un bruit qui fit tressaillir Dournoff, mais elle passa outre et se précipita sur le berceau en criant « Mon Serge, mon fils !» Smerov, entré derrière elle, avait relevé la chaise et fermé la porte. « Oui, » dit Dournoff à voix basse, « votre fils va mourir du croup et vous revenez du bal. » Marianne, à genoux, sanglotait la tête dans ses mains. Son mari la regardait avec plus de mépris encore que de pitié. « Oh, mon Dieu !» crie Marianne en se tordant les mains. « Comme je suis punie. Qu'ai-je fait pour être châtié ainsi, mon enfant, mon petit garçon ?» Ses mains nerveuses et tremblantes dérangeaient les couvertures du berceau. Dournoff la prit par le bras et la fit lever. « Rentrez chez vous, » lui dit-il d'un ton ferme. « Je veux soigner mon fils, » s'écria Marianne en se cramponnant au berceau. Dournoff mit sa large main sur l'épaule de sa femme. « Allez changer de toilette, » dit-il d'un ton impérieux. « N'avez-vous pas honte de traîner ici ces chiffons ?» Marianne sortit, écrasée sous le poids de ce reproche. Son père la rejoignit après avoir échangé quelques mots avec son gendre. Sa voix fut sévère et ses conseils austères. Si Marianne avait été accessible à quelque autorité, elle eût compris et obéi. Mais son âme superficielle n'était pas de celle qui se laisse faire une empreinte durable. Une heure plus tard, elle entra dans la nurserie vêtue d'un simple peignoir, décidée en apparence à remplacer Dournoff dans sa douloureuse veille. Celui-ci, plein de pitié pour ce bon mouvement d'une âme faible et égarée, la laissa s'installer au chevet de l'enfant. Mais Serge refusa d'aller dans ses bras. Il refusa la posture de sa main, ne voulut l'accepter que des mains de son père ou de la Niagna. Marianne, après avoir versé des larmes abondantes, voyait l'inutilité de ses efforts, se retira sur le canapé qui occupait un coin de la chambre et s'y endormit bientôt. Les accès de toux de Serge la réveillaient en sursaut. Elle se précipitait, égarée, chancelante, et retombait bientôt ensuite, les bras pendants, découragée, pour se rendormir. Vers 5 heures du matin, Dournov s'approcha d'elle. « L'enfant va mieux, » dit-il. « Allez vous coucher, tâchez de dormir. » Elle se leva machinalement et obéit. Son mari la regarda s'éloigner. « Pauvre, pauvre créature, » dit-il tout bas. « Dieu ne l'a pas créée pour la lutte. »« Ce n'est pas notre Antonine, » murmura la Niania. Dournov mit un doigt sur ses lèvres. « Antonine était trop parfaite, » dit-il au bout d'un moment, en se penchant sur son fils. « Ce n'est pas notre Antonine, » reprit la Niania, qui serait allée au bal, laissant son enfant malade. « Ta femme, maître, n'est pas une bonne femme. »« C'est la mère de mon fils, » répondit Dournov. Il reprit sa place auprès du berceau.